Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel. 96.2, 96.2. Arc-en-Ciel. Génération en génération, les chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Souvenirs comme tous les vendredis à partir de 13h30. Voilà donc, très heureux de vous retrouver comme tout simplement pour vous animer et vous présenter les chansons souvenirs pour vous faire plaisir. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et ainsi tout simplement très bonne matinée. Voilà tout simplement. Et ainsi que vous allez continuer de passer une excellente après-midi. Voilà donc, et bien, sans plus tarder, voici donc les chansons souvenirs. Et voici le titre qui s'appelle tout simplement Rue de la Gaîté. Avec le titre, c'est ça. Et la chanteuse, c'est Annie Flore. C'est un coin qui n'est pas loin du boulevard du Montparnasse. Dans cet endroit, oui, croyez-moi, c'est le Titi qui fait la loi. C'est la rue de la Gaîté, celle qu'on ne veut pas quitter. Oh, oh, oh, oh. Dans ce coin de Paris, adieu tous les soucis. Y'a pas de neurasthénique, y'a que des gens sympathiques. C'est magnifique. Et tous les petits trottins s'en vont d'un air mute en chantant leur plus joyeux refrain. On y va s'amuser, on n'entend que chanter. C'est la rue de la Gaîté. Tout est clinquant, tout est brillant. Les nuits vous semblent magiques. Après le bout, le populon va se distraire à Bobino. C'est la rue de la Gaîté, celle qu'on ne veut pas quitter. Oh, oh, oh, oh, oh. Dans ce coin de Paris, adieu tous les soucis. Oh, oh, oh, oh, oh. Dans les bistrots, c'est fête et l'on fait des conquêtes. Accueille son être attendrissant. On y va s'amuser, on n'entend que chanter. C'est la rue de la Gaîté. Rue de la

Arc-en-ciel. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-ciel. Voici donc que s'appelle tout simplement Bruno Clair, Reviens mon amour, et puis juste après, Juliès. Avec son titre, je suis swing. La musique nègre et le jazz hot font déjà de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend et vous lâche plus. Oh, je suis swing, je suis swing. Zazou, zazou, zazou, zazou, yeah. Je suis swing, oh, je suis swing. Ça peut briser. Quand je chante un chant d'amour, je le pimente d'un tas de petits trucs autour. Je suis swing, je suis swing. T'as tout, t'es gentil comme tout. Afin de chanter à l'opéra, j'allais voir le directeur. Je voulais chanter la Traviata en ré majeur. Il m'a d'abord interrogé, est-ce que vous êtes ténor léger, pas chantant tout bariton? J'ai répondu, ah mais non, je suis swing, je suis swing. Zazou, zazou, zazou, zazou, yeah. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou ce que ça peut me viser. Quand je chante un petit refrain, des épouvantes. La concierge et les voisins, moi je suis swing, zazou, zazou, je suis heureux comme tout. J'ai pour maîtresse Béatrice, je suis le père de son enfant. Avec Simone, j'ai eu deux fils, en un rien de temps. Le mois dernier, avec Zouzou, j'ai eu quatre enfants d'un seul coup. C'est pas que je le fasse exprès, seulement qu'est-ce que vous voulez. Je suis swing, zazou, zazou, zazou, zazou, zazou, yeah. Je suis swing, oh, je suis swing, c'est fou que ça peut me briser. Un spirit me l'a révélé, c'est le rythme qui fait ainsi m'emballer. Ouais, je suis swing, zazou, zazou, zazou, je m'amuse comme un fou. Mon ami, réveille-toi, chaque jour la vie... Arc-en-ciel. André Dassary, le titre marchand, mes amis. Marchons les amis pour un jour meilleur, marchons sans répit et chantons en chœur pour mieux préparer ce jour de chance qui verra grandir notre espérance. Marchons les amis pour chasser la peur, faisons rayonner partout le bonheur, l'espoir et la joie guideront désormais tous nos pas vers l'amour et la paix. Nous sommes partis de notre village éloigné. Sans nous sommes aujourd'hui, demain nous serons des milliers. Marchons les amis, fini le canon. Marchons jour et nuit avec des chansons. Nous allons vivre une belle histoire. L'amour va remporter la victoire. Les blés sont dorés, les prés sont en fleurs, la terre a donné le fruit de son cœur, et nous ne devons plus entendre à jamais que le chant merveilleux de la paix, que le chant merveilleux de la paix. Mille, nous étions hier à travers les champs et les villes. Tous nous serons demain pour une vie simple et tranquille. Marchons les amis pour un jour meilleur, marchons sans répit et chantons en chœur notre volonté ferme et profonde de voir la paix régner sur le monde. Bientôt le pays suivra le chemin que main dans la main nous traçons sans fin. L'espoir et la joie guideront désormais tous nos pas vers l'amour et la paix. Tous nos pas vers l'amour et la paix. Voici donc qui s'appelle Catherine Valente, le titre Malagrina. Más te podré olvidar.

le fregate. A tua vizinha até chora, a tua vizinha.

Bon, dans ce temps, il y a l'enquête. C'est l'automne et les feuilles volettes. C'est l'hiver, la saison de l'oubli. Les gendarmes s'éloignent dans la nuit. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Voici donc que je vous laisse avec tout simplement Rina Ketty, le carrosse de donc Benito. Va de Saragosse à Bilbao, voici venir dans un très vieux carrosse Don Benito. Et puis sur cette chanson anti, bonjour à Monique. Qui murmurait d'un ton redoutable, je vais m'arranger pour te faire croiser, c'est lui qui va te damner sur le chemin qui va de Saragosse à Bilbao, à quelques pas devant le vieux carrosse, on vit bientôt. C'est parfumé par le vent d'été, la plus jolie des bergères. Et Don Benito séduit aussitôt, en oublia ses prières. Il s'arrêta et ouvrit la portière, le cœur en feu, mais ne vit pas ricaner par derrière le diable veut. Mais en entendant le diable rire, Saint-Pierre voulut éviter le pire. En faisant passer par ce lieu damné le plus beau des cavaliers, sur le chemin qui va de Saragosse à Bilbao, vint à son tour Juanito. Jeune et séduisant sur son cheval blanc et bien campé sur sa selle, il dit j'ai 20 ans et j'ai de l'argent, viens donc avec moi la belle. Sur son pur sang il enleva la fille au grand galop, et tout là-haut pour Benito. Voilà en deux mots l'histoire du très vieux carrosse. Voilà en deux mots l'histoire de Don Benito. Il s'appelle Landrex, titre EO. Quand je suis né, ma destinée, par mes parents fut discutée. Mon père voulait que je sois docteur, ma mère voulait que je sois ma soeur. Ma vocation fut plus obscure, j'avais du goût pour la friture. Et c'est pour ça que j'ai installé ma petite échoppe sur les salés. Et hop, un petit coup et je la tourne, un second je la retourne, ma petite poêle à la main, ça n'est pas bien malin. J'envoie ma crêpe en l'air. C'est un très chic métier, je suis connu dans le quartier. Les clients sont gentils et les clientes aussi. Je leur chante un petit air. J'ai toujours les mains nettes et un col empesé. Et chacun se répète ce qu'il fait distinguer. Et je ne gagne pas des millions, mais j'ai bien le filon. Les gens m'appellent par mon nom, Gaston. J'ai ma petite poêle à la main, les femmes s'arrêtent sur leur chemin, me demandant une leçon pour les retourner à ma façon. Il faut les voir, oh c'est merveilleux. À la chandeleur, elles font la queue, oui. J'en ai même vu se crêper le chignon à cause des grèves du beau Gaston. Et un petit coup et je la tourne, un second je la retourne, ma petite poêle à la main, ça n'est pas bien malin. J'envoie ma crêpe en l'air. C'est un très chic métier, je suis connu dans le quartier. Les clients sont gentils et les clientes aussi. Je leur chante un petit air. J'ai toujours les mains nettes et un col empesé. Et chacun se répète ce qu'il fait distinguer. Et je ne gagne pas des millions, mais j'ai bien le filon. Les gens m'appellent par mon nom, Gaston. Suzette m'est apparue, c'est pour le choc que j'ai reçu. Fallait choisir, oh y'a pas de milieu, crêpe ou Suzette, j'ai pris les deux. Dans mon échoppe, elle vend de la glace, et dans mon cœur, elle a sa place. Mais elle grossit, on s'est maladif, parbleu les crêpes, c'est bourratif. Et un petit coup et je la tourne, un second je la retourne, ma petite poêle à la main, ça n'est pas bien malin. J'en bats ma crêpe en l'air. Et vous parlez d'un boulot, Suzette m'a dit coco, moi je ne fais que le gros. Elle a eu Saint-Marmot, oui, je leur chante un petit air. Depuis dans la picoque, toutes les femmes s'en émoient. C'est Cri, c'est lui, le coq, en me montrant du doigt. Et quel beau coup de poignet, y'a la queue dans le quartier pour goûter au grand frisson, Gaston. Et hop. Voici donc Guy Béni, un violon dans la nuit. Pour nous seule sa mélodie tendre et câline. Elle nous dit l'espoir d'aimer, la joie de vivre, que tous les deux sous le ciel clair écoutons là. Doucement elle nous prend et nous enivre. Viens ce soir la murmurer entre mes bras. Chante, chante pour moi. Dans cette nuit de rêve, blottie tout près de toi, la douceur de ta voix vient bercer mon émoi. Chante, chante pour moi. Quand ta chanson s'élève, paraît à mes yeux plus beau, plus merveilleux dans cette nuit de rêve. Tu partis depuis lors partout me traîne le fardeau de mon chagrin et de mes peines. Malgré tout, il faut toujours que je revienne retrouver le souvenir des jours en pluie. Mais ce soir, comme un parfum des voix anciennes, un violon rejoue ces terres qui me poursuit. Cette nuit de rêve. Michel Larnaud, La Maison. Dans la maison que tu m'avais donnée, il y a tant d'années, le jardin est abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné dans les croisées du temps d'avant? Ne passe plus le vent, car j'ai fermé les contrevents. Le vent ne passe plus souvent. Des profanés. Il fait un peu froid au mois de septembre. Les arbres couleur d'ambre font de l'ombre dans notre chambre. Nous ne vieillirons pas ensemble dans la maison que tu m'avais donnée. Il y a tant d'années, le jardin est abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Voici donc Paris Canaille avec Colette Renard. Aux yeux de fille, ton air fille, tes vieilles guenilles et tes galantes accordéons. Oh, ça fait pas drôle, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métaux de la Bastille pour se saouler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun de lilas, fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des délacroix, pépères d'envers, ça fait des mois qui sont ouverts. Alors ces dames seront une raison à ce qu'on bigarre, mais c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as point d'amis dans la police. De néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant, pour la chronique, traction avant, pour la tactique, un petit coup sec, sur le diapason, range tes copains, sinon t'es bon. Ah la la une, la la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah la la d'air, ah la la rien. T'es un gangster à la mi-fin, faut être adroit pour faire carton. La prochaine fois, ce sera peut-être bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes rayons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Des ponts coule la Seine pour la romance à illusion. Oh, il y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Ah! Vive en flot, poètes quelques centimes à ma chanson. Merci monsieur, dame, ça fait la rime et c'est si bon. Voici le titre, l'épicier, avec tout simplement les frères Lac. Planant dans l'azur sans nuage, quel est cet étrange oiseau noir? Son œil a des reflets sauvages, Dieu qu'a-t-il pu apercevoir? Il décrit des cercles funestes et lentement descend, comme une malédiction céleste sur les oisillons innocents. Les derniers farouches volent dans les grands cieux. Son allure est louche, son regard est pernicieux. Mère, cachez vos petits, car le rapace s'avide, a beaucoup d'appétit. Ainsi une maman fidèle vivait près de son cher trésor. C'était sa petite Gisèle, une enfant pure, un vrai cœur d'or, qui travaillait comme Cousette en haut de la rue des Martyrs. Et le samedi à la galette, elle dansait pour se divertir. Les pervers farouches te guettent, méfie-toi. Son allure est louche et déjà tu es sa proie. Il t'invite et danse la valse aux accents troublants. Mais le bandit manigance ta perte, pauvre enfant. En effet, au bout d'une semaine, la petite était en maison. Et dans cette ambiance malsaine, avait perdu ses illusions. Prenant un couteau sur la table, elle s'en transperce le cœur. En maudissant le misérable qui s'enfuit cynique et moqueur. L'épervier farouche le soutenait sournois. Au fond des rues louches s'envole vers d'autres proies. Dans vos lits timides, mère, cachez vos petits, car le rapace s'avide à vos coups d'appétit. Voici le titre, le parapluie avec Suzy Solidor. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un prêté sans doute, le matin même par un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin paradis contre un coin parapluie. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin paradis contre un coin parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin parapluie contre un coin paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin parapluie contre un coin paradis. J'ai tout perdu au change, pardi. Arc-en-ciel. Voici donc les programmes pour ce soir, ainsi pour ce week-end, donc bientôt demain, samedi. Donc à partir de 19h, tout simplement, vous allez retrouver Albino pour l'émission Marika de 19h jusqu'à 22h. Et puis demain, samedi, à partir de 9h jusqu'à midi avec Christine, émission Portugal Nous Corésiens. Et puis juste après, entre midi jusqu'à 16h avec Salut les copains, tout simplement avec Christine. Et puis en soirée, à partir de 18h jusqu'à 20h avec Flashback représenté par Carla. Aussi pour le dimanche matin à partir de 8h jusqu'à 10h avec Antonio Mathieu pour l'émission Cantal du Gallo, juste après 10h30 jusqu'à 10h jusqu'à 12h30 avec Le Téléphone Sonne. Donc c'est à vous de faire l'émission avec les chansons que vous voulez écouter avec Louise, hein, Jérôme, Lionel et Katia. Et bien, si vous voulez me retrouver tout simplement dimanche après-midi à partir de 13h30 jusqu'à 16h avec l'accordéon Musette. Continuez bien sûr les chansons et voici à bicyclette avec Yves Montand. Quand on part

c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voilà, après l'accordéon, moi je vous laisse avec le Madison, et puis juste après le jazz, et puis un petit coup à Chantal, si elle écoute, voici donc les deux titres. Elle avait de longs cheveux blonds, veste de cuir et pantalon, à ses bottines des talons, pour pousser la chanson. Elle portait des bijoux dorés, des perles au cou, des chaînes aux pieds, des lunettes à monture carrée, pour cacher son secret. Lady, Lady Madison, tu ne ressembles à personne. Voilà plus belle de l'Hexagone, my Lady Madison. Lady, Lady Madison, tout mon cœur en résonne. J'ai baissé vous, j'en me détonne, my Lady Madison. Elle me parlait de son pays, du soleil de Californie, des soirées passées entre amis, des plaisirs de la vie. Elle me racontait son histoire et ses rencontres par hasard, les yeux mouillés dans un mouchoir, pour pleurer son cafard. Lady, Lady Madison, tu ne ressembles à personne. Voilà plus belle de l'Hexagone, my Lady Madison. Lady, Lady Madison, tout mon cœur en résonne. Et baissez-vous, j'en me détonne, my Lady Madison. Un soir, oubliant le bonheur, tout son amour et sa pudeur, elle est partie chanter ailleurs, la folie des grandeurs. Moi j'ai vécu de mes regrets, de ville en ville je suis allé, je n'ai jamais pu la trouver, partout je l'ai cherché. Lady, Lady Madison, tu ne ressembles à personne. Voilà plus belle de l'Hexagone, my Lady Madison. Lady, Lady Madison, tout mon cœur en résonne. J'ai baissé pour j'en me détonne, my Lady Madison. Yeah!

fleurs sont des mots d'amour. Et le titre, les fleurs sont des mots d'amour. Qui sans comprendre son discours au plus subtil comme un tour de tout secret, de cœur trop lourd et son bouquet des bonjours. Je le fais pour celui que j'aime. Bouquet de soie et de velours où mon cœur exhale à son tour parmi ses fleurs des mots d'amour. Le ciel pour certains détient le secret de la vie, mais dans une main que d'autres croient lire un destin. Moi je ne retiens qu'un moyen pour prédire au cœur le bonheur, il est entre nous. Plus subtil comme au plus sourd, de doux secrets, de cœur trop lourd, monsieur, gardez-le toujours, que ce bouquet soit mon emblème, qu'il vous apporte son détour avec le parfum des beaux jours parmi ses fleurs, des mots d'amour. Voici, elle s'appelle Yann Silis. Le vol des hirondelles. L'hirondelle revient des chauds pays lointains. Le vol des hirondelles, dont les cris joyeux montent vers les yeux, ramène le printemps et dans leur tire d'ailes. Oiseaux capricieux pour les amoureux, du bonheur pour longtemps, se métamorphose. Et dans les jardins, parmi les lilas, le vieux manoir de guirlandes de jasmin aura paré sa tour. Quand le clocher pour mieux les recevoir laissera son campanile ouvert à l'heure d'amour. Le vol des hirondelles m'apprendra qu'un soir je vais te revoir comme au dernier printemps. Et donc garde l'espoir un jour de t'avoir près de moi pour longtemps. Finis les jours moroses, le bonheur naît dès qu'on voit plus.

voyant tes remous, tes ressacs, tout au long du quai rectiligne. Un moment, je t'avais cru digne de m'écouter vider mon sac. Tout comme on parle dans l'oreille d'un chien compagnon de malheur, quand on n'a pas assez d'oseille pour s'approprier la blondeur d'une fille à la peau bien tendre, qui fait bien semblant de comprendre et vous vend un peu de douceur. J'allais te confier mes alarmes, mes fatigues et mes regrets. C'est bête à dire, j'étais prêt à te grossir de quelques larmes contenues depuis trop de jours et d'amertume bien salée. Mais ta flotte s'en est allée, insensible, suivant son cours, roulant au pied de l'escalier, tant de mètres cubes à l'heure. Tu t'en fous qu'on vive ou qu'on meure, t'es plus bête qu'un sablier. C'est normal, t'es un personnage, ta place est faite au grand soleil. Les hommes et toi, c'est tout pareil. Y'a pas de pitié qui surnage. T'es vaseuse dans ton tréfonds. Moi, je m'en vais, adieu la scène. Tu sais, avant que je revienne, de l'eau coulera sous tes ponts. C'est toi que je veux avec Josy Andrieux. Voici donc

glace. Ça arrive juste l'automne, les 10 mois de l'année, juste avant que Noël soit arrivé. Hey! On prend du pipi, les gars, faire un tour dans le bois, courir après un panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un beau télescope sur ton fusil pour tirer 5 gros bugs qui t'assurent. On prend des pipi, les gars, faire un tour dans le bois, courir après un panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un télescope sur ton fusil pour tirer 5 gros bugs qui t'assurent. Hey! Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des ponts sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux. Pour défendre tes loups, tes gratte-ciels, pour les temps. prends tes kicks et tes claques. Les rêves et ta vie. Tu montes et tabernacles. La langue d'ici. Stompe tes lambours. La fille de l'air. Montre-moi tes idées. Montre-moi tes enfers. Il y a le bon et le balade. Et les quadrates, tu le sais. Les ondes et vents sont violentes. Et les neiges sont éternelles. Chez moi, les gouttes sont à porte. Les enfants, les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la scène. N'importe où j'irai, où bon tu sonnes. J'aime tes amis, j'aime ta lumière. La lumière. Tu les vis, je te ressonne quand tu les éclaires. Quand tu les éclaires. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Je te jure que tu ne serais pas déçu. Je ferai des efforts vestimentaires. Je rentrerai à l'heure prévue. On passerait les dimanches à la mer comme on faisait au tout début. Alors laisse-moi faire et laisse-moi faire. Oui, laisse-moi faire.

plus pour vous. Vous et nous au paradis. Un jour ou deux. C'est juste un jour de plus pour vous et nous au paradis. C'est juste un jour de plus pour vous et nous au paradis. Paradis, paradis. C'est juste un jour de plus pour vous et nous au paradis. Que je te raconte mon histoire. Je t'assure qu'on est très loin de ce que t'imagines. J'ai traversé des phases qui m'ont marqué à vie. Je vais pas m'attarder là-dessus, tout est si fragile. Oh mama, oh mama. De toi et fais le tri. Mais malgré tout, le temps nous apprend que rien n'est figé. Je te le disais, tu vois, c'est parce que t'imagines. Pour comprendre, on tourne le dos parce que c'est pas ce qu'on veut entendre. Je perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Attends, tu vas voir, l'amour

nettoyage. 117 route nationale 45 140 Ingré. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. La société Aldora, spécialisée dans la rénovation, recherche pour ses chantiers basés sur l'agglomération orléanaise. Un ouvrier polyvalent pour les travaux de finition, carrelage, faïence, placo et un aide maçon pour les travaux de maçonnerie générale et rénovation. Si vous êtes intéressé, contactez le 06 11 88 36 70. Aldora, uma empresa especializada em obra de renovação, procura para a zona de Orléans. Um trabalhador polivalente para trabalhos de acabamento, azulejo, tijoleira, gesso e um ajudante de pedreiro para obras de alvenaria geral e renovação. Se você está interessado, contactem o 06 11 88 36 70. Fantasmas da minha voz, não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, tenho medo do inseguro. Dos fantasmas da minha voz, não me deixe só. Tenho desejos maiores, eu quero beijos intermináveis até que os olhos mudem de cor. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro. Os fantasmas da minha voz, não me deixe só. Que o meu destino é raro, eu não preciso que seja caro. Quero gosto sincero de amor. Fique mais que eu gostei de ter você. Não vou mais querer ninguém. Agora que sei que me faz. Saio na capoeira, sou perigosa, sou macumbeira. Eu sou de paz, eu sou de bem, mas não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro. Dos fantasmas da minha voz, não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro. Dos fantasmas da minha voz. Você, não vou mais querer. mas não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro. São fantasmas da minha